De la réunion interministérielle ce matin à l'Élysée, mettre donc l'ensemble des acteurs autour de la table pour travailler sur le carnet de commandes et sur une poursuite durable des activités sur le site de Belfort. Pour l'instant, Alstom ne bouge pas et continue de justifier de son côté sa décision de transférer la production des trains de Belfort vers Reichshoffen dans le Bas-Rhin à l'horizon 2018, parce que les commandes françaises justement ne sont pas assez importantes. Écoutez ce qu'en pense Marie-Guite Dufay, c'est la présidente socialiste de la région Bourgogne-Franche-Comté. On ne sent pas de la part du groupe une agressivité commerciale à l'étranger pour aller vendre de la locomotive fabriquée à Belfort. La direction locale, elle constate qu'il y a aujourd'hui une baisse des commandes et elle dit que quand on a baisse des commandes, il faut réajuster, réajuster la production. Et moi, je dis, quand il y a une baisse des commandes, eh bien, on multiplie, on renforce l'agressivité commerciale puisqu'on a un produit dont on est fier. Donc il doit y avoir une agressivité commerciale qu'on ne sent pas aujourd'hui pour que ces produits qui sont fabriqués ici soient vendus dans le monde. C'est une bonne posture de départ pour démarrer un travail de discussion avec l'entreprise. Et on aurait dû commencer par là, dire il y a problème, aujourd'hui il y a une baisse des commandes ici, mais l'objectif c'est de maintenir l'activité ferroviaire à Belfort. Des propos recueillis par Nicolas Wilhelm de France Bleu Belfort-Montbéliard. L'adolescent qui voulait commettre une attaque à l'arme blanche au nom du djihad, ce mineur de 15 ans, a été présenté cet après-midi devant un juge antiterroriste. Il devrait être mis en examen. Dans l'affaire, cette fois, des bonbonnes de gaz. 4 personnes sont dans les bureaux des juges cet après-midi. Elles aussi, au palais de justice de Paris. Il s'agit des 3 femmes interpellées jeudi dernier dans l'Essonne et du compagnon de l'une d'elles. La trêve négociée par les Américains et les Russes est censée entrer en vigueur ce soir en Syrie, 48 heures pour permettre aux humanitaires de se rendre sur les zones les plus difficiles pour les populations. Mais pas sûr que cette trêve soit respectée. L'opposition syrienne et les factions rebelles réclament des garanties. Et dans le même temps, Bachar el-Assad, lui, parade dans Damas. Il a été vu ce matin dans une mosquée d'un quartier repris aux forces rebelles. Le président syrien qui a aussi déclaré vouloir reprendre toute la Syrie. Pour la première fois, elle a pris la parole dans ce procès. Au tribunal correctionnel de Paris, l'ex-épouse de Jérôme Cahuzac s'est expliquée aujourd'hui sur l'existence de comptes à l'étranger. « Nous étions conscients, dit-elle, de l'illégalité de ces pratiques fiscales. » Jérôme Cahuzac et son ex-épouse sont poursuivis pour fraude fiscale et blanchiment. Rendez-vous le 27 octobre prochain à Paris pour Jacqueline Sauvage. La chambre d'application des peines de la cour d'appel examinera le dossier de cette femme condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent. Le mois dernier, le tribunal d'application des peines de Melun avait rejeté sa demande de libération conditionnelle avec bracelet électronique. 35 degrés du côté de Bordeaux cet après-midi, 34 à Toulouse, 33 à Lyon et Clermont-Ferrand. Pour un 12 septembre, c'est chaud. Et l'une des conséquences de ces fortes chaleurs, forcément, c'est le manque d'eau. Selon nos confrères de France Bleu, 43 départements sont aujourd'hui concernés par des restrictions d'eau. C'est le cas notamment en Côte d'Or. Interdiction de laver les voitures, d'arroser les pelouses, les potagers, les fleurs entre 10h et 19h. Les agriculteurs sont également concernés et même les pompiers dans une moindre mesure. Écoutez les explications d'Olivier Roy, c'est le commandant du service départemental d'incendie et de secours. Contrairement à l'année dernière où effectivement nous avons réalisé sur la période estivale beaucoup d'interventions pour des feux de végétaux, cette année est beaucoup plus calme parce que nous sommes à plus de 50% d'interventions en moins par rapport à l'année dernière, à la même date. Donc de ce côté-là, pas de souci particulier. La problématique la plus flagrante, c'est que nous sommes dans une période traditionnelle de vérification de ce qu'on appelle les hydrants, les poteaux et les bouches d'incendie qui nous servent à récupérer de l'eau lorsque nous intervenons. C'est une démarche de test qui consomme un petit peu d'eau. L'arrêté préfectoral, s'il ne limite pas bien évidemment notre consommation d'eau lors des opérations d'extinction des incendies, il s'applique à nous comme à tout citoyen et à toute administration quelle qu'elle soit. Donc nous allons effectivement arrêter ces procédures de vérification d'hydrants et nous allons donner des consignes pour qu'au sein des casernes, le lavage de la caserne, le lavage des camions soit là aussi limité au strict minimum pour être là aussi exemplaire sur la consommation d'eau. Des propos recueillis par Jacques Page. 17h et presque 5 minutes sur France Inter. On va filer à la Bourse de Paris, retrouver Antoine Verlin. Antoine Verlin, ça ne change pas depuis ce matin. Forte baisse pour cette fin de journée. Hein. Oui, effectivement, malgré une nette amélioration, eh bien le CAC 40 perd quand même encore 1,28%. Il est à 4 434 points. Les investisseurs espèrent que la Réserve fédérale n'annoncera pas une hausse de ses taux à l'issue de son comité de politique monétaire la semaine prochaine. Mais voilà les déclarations de plusieurs de ses membres. On se met le doute. L'euro, lui, se négocie à 1,1220. Les valeurs liées aux matières premières sont particulièrement touchées, à commencer par ArcelorMittal, qui perd 3,19%. C'est la plus forte baisse du CAC 40. Mais on notera également, en dehors de l'indice Vallourec, moins 3,55%. CGG, le groupe de Géosciences, moins 3,55%. 33,6% et Jacquet Metal Service perd même plus de 5%. Mais tous les secteurs connaissent des baisses. Aujourd'hui, Accor, par exemple, perd 2,68%. Les financières ne sont pas épargnées. AXA, moins 2,65%. La plus forte hausse du CAC 40, il n'y en a que deux, c'est Schneider Electric qui progresse très modestement de 0,24%, mais le titre avait chuté de 2,37% vendredi. Et puis juste derrière, les défensifs comme L'Oréal qui ne gagnent que 0,18%. À Wall Street, le Dow Jones est en petite hausse de 0,20%, mais l'indice new-yorkais avait chuté de plus de 2% vendredi soir. Donc le CAC 40, lui, bien perd 1,28%. Il est à 4434 points. C'est Antoine Verlin, La Bourse pour France Inter. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir. Laurent Goumard. Deux heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle et ce lundi, on va tomber la chemise avec du rock motivé pour Majid Cherfi et du hip-hop énervé avec le premier roman de Laurent Rigoulet. Oui, ça va être possible. Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30 euros par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Elle a retiré son legging qu'elle porte tous les jours quand elle vient à la radio pour mettre une belle robe. Hein, c'est Charline vrai, c'est parce que je viens à la radio en scooter. Voilà, c'est Wonder Woman. Charline. Alors, avec la robe, c'est pas très pratique. Voilà, ce sont des préoccupations. On peut dire pas sexy aussi. Très prosaïque, mais voilà. Venez, franceinter.fr, la vidéo. C'est vrai, nous sommes en vidéo, c'est vrai. Allez, merci Laetitia Gaillet. Et sans plus attendre, parce que là, on est très impatients. On a bossé ce matin. Allez, on a travaillé, écoutez comment. Salut les amis. Salut Charline. Aujourd'hui, on reçoit Myriam Boyer pour la pièce Le Chat. Wow, super. Moi, j'étais allé voir. C'est quoi l'histoire? Alors, c'est l'histoire d'un couple de personnes âgées qui restent ensemble pour combler leur solitude. Et ils ont un chat. Et ouais. Comment tu sais? C'est le titre. Ah oui, c'est le titre. Oui, et ça se passe très mal entre eux. Ça, je peux vous dire. C'est un peu votre histoire, Charline et Alex. Oui. Non, pas du tout. J'espère qu'on sera pas seul à 60 ans. Non, on sera pas seul. Normalement, on sera pas seul. Mais non. Donc, vous allez vous installer ensemble dans un petit appartement à côté de la maison de la radio. Oh oui, avec une baignoire à porte. Mon escalier. Voilà, et vous ferez une émission le dimanche après-midi. Non. Si tu écoutes, c'est que t'es plus tout jeune. Mais pourquoi ils se disputent dans la pièce? Elle est bourgeoise. Moi je serais jamais bourgeoise. Quand même, l'hiver dernier, t'avais un manteau de fourrure, je te rappelle. C'est parce qu'il faisait froid d'abord. On n'aurait pas de chat parce que moi je suis très allergique au chat. Alors oui, dans ce cas-là, on pourra pas faire de pièce. D'accord. La pièce, elle tient en fait qu'on tue le chat, d'où le titre Le Chat. Et on pourrait appeler la pièce Guillaume Meurice. Ah bon, pourquoi? Oui, parce que toi non plus, t'auras personne et donc on va être obligé de t'adopter. Ah oui, alors. On sera bien obligé parce qu'on sera sans doute les deux dernières personnes à bien vouloir te parler. Oui, non, moi je suis pas d'accord. Vous énervez là, Charline, au couteau, paf, comme le chat. Au boulot, non, c'était pour rire cette projection. C'était rigolo, moi j'aime bien la fin, surtout. Mais Alex, je te préviens, si à 60 ans on se met ensemble, on n'adopte pas Guillaume. T'as raison, je crois que je suis moins allergique au chat qu'à lui. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, mais oui nous t'aimons Guillaume. Vous écoutez l'émission qui appelle au rassemblement de toutes les forces de l'actualité. Et voici les trois informations qui seront malgré tout candidates, chacune de leur côté, jusqu'à 18h. Les candidats de la gauche alternative sont nombreux, oui ils sont tous rassemblés, chacun derrière eux-mêmes, sauf à la fête de l'UMA ce week-end pour la photo. Le monsieur en bas à gauche, mais pas dans le cadre. Au théâtre, la fréquentation progresse en France, l'offre est foisonnante. Alors, pour faire parler de sa pièce, il faut pouvoir se distinguer. Et puisqu'on me demande mes dernières volontés, j'affirme bien haut, je joue mal. Les injures et les insultes disent beaucoup de nous, de notre culture, de notre milieu social, ou du gros con qu'on a en face aussi. Pauvre Je suis accompagnée. Soyez gentil maintenant. Je suis accompagnée de celui qui n'injurie jamais personne pour ne pas insulter l'avenir. C'est tellement ça. On appellera ça l'opportunisme ou le talent. Et autour de cette table, 17h20, notre spécialiste musicale, c'est elle qui décide de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Un peu comme Sarkozy face à ses juges. Bonjour Mélanie Bauer. Non, j'ai pas ce pouvoir. Hein. Ah. En revanche, j'ai le pouvoir de faire plaisir à Guillaume Meurice aujourd'hui avec le seul genre musical à part Noir Désir qu'il aime bien, à savoir le ska. Ah, génial. Du ska. Oui, 17h30, il s'implique énormément dans ses reportages au point d'être en empathie avec ses interviewés. J'espère qu'aujourd'hui, il n'aura pas dérogé à son habitude puisqu'aujourd'hui, t'allais interroger... Des naturistes, effectivement, et pas n'importe où, à la fête de l'Humain. J'y étais hier et j'ai croisé des gens un petit peu perdus d'ailleurs. Pourquoi tu me parles de communisme? C'est une fête communiste ici? Ouais, alors lui, il est clairement permis. En matière de nudisme, 17h40, elle ne le pratique jamais, en tout cas pas à jeun. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. De quoi on parle? Eh bien, je vais vous entretenir d'amour et de misanthropie. Oh, c'est beau. Et est-ce qu'il peut y avoir un lien? Est-ce qu'un misanthrope peut écrire une histoire d'amour? C'est bon. Hein? Non, on dit que non. Et ben je fais pas la chronique. Voilà pour ceux qui présentent. Quant à celles qui président, vous avez joué au cinéma dans Vincent, Paul et les autres de Claude Sautet ou Série Noire dans L'Incorneau avec Patrick Devers. Au théâtre, vous avez joué Qui a peur de Virginia Woolf ou La vie devant soi. Les Molières vous ont couronné deux fois meilleure comédienne pour ces deux pièces d'ailleurs. Donc vous avez deviné qui c'est, mais je vous laisse nous le dire. Vous êtes... Myriam Boyer, c'est ça? Wow, c'est ça. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Ben voilà, ça commence bien, Myriam Boyer, vous avez trouvé la réponse. Et ben voilà, je peux rester. Ah chouette, mais avec plaisir, on est très heureux de vous recevoir pour Le Chat, la pièce où vous jouez avec Jean Benguigui, qui est votre partenaire au théâtre de l'Atelier, l'adaptation du roman de Georges Simenon, dans une mise en scène de Didier Long, qui vous avait d'ailleurs mis en scène aussi pour La vie devant soi. Absolument, juste. Et pour Chère Elena l'année dernière aussi, voilà. oui, tout à fait. Alex Vizorek est allé vous voir au théâtre. Oui, je suis allé voir Myriam Boyer, et en ce moment je me pose pas mal de questions sur le couple, son intérêt, tout ça. C'est peut-être pas la pièce qu'il fallait. Vous m'avez pas aidé. Non, à mon avis, c'est pas très... sorti avec des réponses. Ou peut-être les pubs, celles qui foutent la trouille. Oui, un peu. Oui, mais non, il vaut mieux pas se voir dans un couple de cet ordre-là. On est bien d'accord. Mais allez, on va dire que c'est pas aujourd'hui, quoique... Non, ce qui se passe alors par rapport au film, c'est-à-dire qu'on voit l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a un côté non linéaire et dans la façon dont les scènes sont agencées, parce que c'est toujours des petits blocs qui vont de l'un à l'autre, on avance, on recule. Et ça permet justement de voir que ces gens se sont aimés, appréciés, touchés un moment, et puis qu'à un moment, ça a complètement dégénéré. Et voilà, et c'est l'intérêt de la pièce contrairement au film, parce que le film, en fait, l'adaptation du film par rapport au roman, c'était un couple qui vivait depuis des années ensemble, l'usure du couple. Et là, donc Blandine Stinsey et puis Christian Lyon, les adaptateurs, sont revenus au roman, et c'est ce qui est intéressant, parce que du coup, on voit la rencontre, ils ont fait des flashbacks qui donnent un peu de légèreté quand même à la pièce, parce que si c'était chronologique, je suis sûre que c'est insupportable. Justement, j'allais vous demander, moi qui ai vu le film et pas la pièce, on se demande mais qui fait le chat au théâtre? Oui. Comment fait-on avec le chat? Ça fait très très peur, parce que moi quand on m'a dit le chat, je me suis dit un film où on ne se parle pas sur scène au théâtre, ça va pas vraiment le faire, ça va pas raconter. Et en fait justement l'idée c'est de faire la rencontre, et c'est un vieux couple, oui, c'est deux veuves qui pensent que mettant leur solitude ensemble ils vont peut-être vers une histoire, et c'est pas la bonne. Et surtout social. Ça, Simenon, il est très très fort. Il marque les personnages. Et lui, c'est un retraité ouvrier. Et elle, c'est une petite bourgeoise de province, une petite biscuiterie que son grand-père a montée. Mais on voit tout de suite qu'ils vont dans le mur. Et puis, il y a un truc là. Vous avez parlé du chat. Vous êtes comme le public. Il tue son perroquet et personne n'en a rien à foutre. Hein. Là, c'est vrai. Il tue le perroquet de elle. A priori, c'est elle qui a commencé. C'est un peu le talion. Mais c'est elle qui a commencé. Ça s'appelle le chat. Bah, ça s'appelle pas le perroquet. Moi, je trouve que maintenant, je devrais appeler ça le chat et le perroquet. Comme une fable, en fait. Comme une fable sociale. Oui, absolument. Rappelons juste, sans vouloir offenser les auditeurs, que le film de Pierre Garnier de Fierre, c'est avec Jean Gabin et Simone Signoret. Exactement. Et Annie Cordy. Il faut le dire. Et Annie Cordy. On est belges, je trouve toujours que Annie Cordy, c'est... Vous dites que ce qui les emmène dans le mur, en partie, c'est le fait qu'ils aient justement, qu'ils soient d'origine sociale, deux origines sociales, qu'elles soient bien différentes. Ça joue. C'est très flippant ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut ne coucher ou vivre qu'avec des gens qui sont issus du même milieu que le nôtre? Je pense... Attention à ce que vous allez répondre. Non, non, je sais ce que je vais répondre parce que je crois que c'est quelque chose quand même qu'on trimballe. Et si ça va pas, c'est quelque chose qui vous pète à la gueule, mais alors grave. Si ça va pas, je parle. Hein, oui. Si on n'est pas sur la bonne personne, le fait que vous êtes avec deux éducations, puis alors là, dans la pièce, on y va carrément. Hein, c'est vraiment deux éducations différentes. Et tout de suite, quand ça va pas aller, c'est là-dessus. Vous pouvez plus supporter comment il mange. Elle est insupportable dans ses demandes. Elle pensait avoir quelqu'un qui va lui arranger sa maison, etc. Elle pense qu'elle peut vivre. Non, non, non. Je pense que quand c'est un arrangement au départ, quand il n'y a pas amour, alors ils essayent, hein, ils ont essayé. Ils pensent amour, hein, au départ. Mais on voit tout de suite que ça ne va pas le faire. Heureusement, comme Juliette est assez stable au niveau couple, on peut aller voir cette pièce. Et il y a petit truc que je vais vous demander. C'est-à-dire qu'il y a des rires par moment dans la salle. Quand on regarde le film, on n'imagine pas ça. Et en fait, ces rires sont étranges. C'est parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Quand on voit ces deux personnes s'engueuler à ce point-là, on est obligé de rire. Mais bien sûr. Mais c'est risible, évidemment, de l'extérieur. Mais quand vous voyez des vieux couples qui s'engueulent très, très souvent, avec un peu de distance, vous vous dites, non, c'est ridicule. Ça sert à... Et c'est vrai que c'est drôle. Ça peut basculer très, très vite dans l'humour. Très, très vite. Et c'est ce qui est intéressant dans la pièce. Très, très intéressant. Dans Le Chat, avec Jean Benguigui, bien sûr, au théâtre de l'Atelier, l'adaptation du roman de Georges Simenon et la mise en scène de Didier Long. Alex, vous recommandez. Ah oui, vraiment. Moi, je me suis dit, deux vieux qui s'emmerdent, ça va être pareil. C'était formidable. C'est parce qu'il y a deux grands comédiens sur scène, vraiment. Il faut le dire pour Jean Benguigui aussi, qui n'est pas là, mais qui est déjà venu à votre place. Avec Myriam Boyer, qui est notre invitée. Donc, forcément, cette émission, c'est de la bombe. Oh, oh, oh, oh. And my Dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna taste, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. All my molly ringworms and my little scarecrows. When they hear my record, well, they all hit the floor. Baby, strike a pose, come up in the front row. The homies in the back, get the hats to blow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Won't you clap your hands? White folks, do it on time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and okay, now we're gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. Been downtown for too long. I feel the sun rising all up in my bones. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and I'm about to blow up. Whoa. Pigeon John, The Bomb sur France Inter, où il est 17h20 à Lyon, où a été montée la pièce Le Chat, Lyon, la ville qui a vu naître. Myriam Boyer, notre invitée. Et comment, oui, je suis lyonnaise. Et autour de cette table, Alex. Eh bien, Mélanie Bauer, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice qui a été voir des gens tout nus. Oui, mais ça, c'est pour dans un petit 20 minutes. Oui, parce qu'avant la nudité, l'information crue. Bien sûr. Pendant 30 ans de ma vie, il va pas pouvoir continuer comme ça. J'ai fait la tournée de tous les bistrots. Le journal de presque 17h17. Ça devient gênant. On commence par les titres. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Aïd où les musulmans donnent des moutons en sacrifice, ce qui indigne beaucoup de gens de la droite dite décomplexée. Oui, et normal, quand on voit comment ils suivent aveuglément Marine Le Pen, tu m'étonnes qu'ils s'émeuvent du sort des autres moutons. La santé d'Hillary Clinton inquiète, elle aurait une pneumonie. Mais ce qui est fou, hein, c'est elle qui a des problèmes de poumons, alors que tout le monde sait que c'est son mari qui fumait le cigare. Et puis, il y aura l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendu ailleurs, il s'agira du Dalai Lama. Et des brèves pour rester zen. Ce matin, François Hollande a organisé une réunion de crise à l'Élysée sur l'avenir d'Alstom. Mais l'État est actionnaire d'Alstom. Ah oui, oui. Aussi actionnaire de son principal client, d'Alstom, la SNCF. Oui. Donc ça revient à chercher tes clés alors qu'elles sont dans ta poche. Oui, voilà, c'est ça. Gouvernement toujours. Invité sur iTélé, Manuel Valls a déclaré « Peut-être que l'une des grandes questions du quinquennat à venir, c'est la lutte contre la pauvreté. » Mais... Manuel Valls, c'est bien celui qui est au pouvoir depuis 2 ans et demi. C'est ça. C'est ça. Après, c'est vrai que pour voter, ça ne se règle pas au 49-3. C'est sûr. Passons à droite. Oui. Hervé Mariton a déclaré « Je serai peut-être la surprise de l'élection présidentielle ». Faites pas de vanne ? Non, c'est une vanne en soi. D'accord. Voilà. Alors, on reste à droite. Alain Juppé s'est rendu hier porte de Versailles à Paris au Salon international de la coiffure. Oui, ça m'étonne aussi. C'est ce que je me disais. Très bien. Ils font le boulot complètement, là. International. États-Unis, Hillary Clinton a fait un malaise lors de la cérémonie de commémoration du 11 septembre. La santé des candidats à la présidentielle interroge. Oui, entre Hillary Clinton qui a des problèmes physiques et Donald Trump qui a des problèmes mentaux, on ne sait pas. Hein. Mais le malaise a eu lieu hier lors des cérémonies du 11 septembre. Oui, 11 septembre, évidemment. Jour de l'invention de l'interdiction de prendre l'avion avec une lime à ongles et un gel douche de plus de 100 ml. Sans transition, Éric Zemmour a déclaré ce matin sur LCI. J'ai dit à Rachida Dati que je trouvais scandaleux qu'elle appelle sa fille Zora. Eh ben, moi, j'aurais beaucoup aimé que les parents Zemmour le prénomment Mouloud. Ils auraient bien moins emmerdé. Une page culture. Oui. Le magazine Books a révélé que le célèbre écrivain autrichien Stefan Zweig était un exhibitionniste notoire, mais que son ami Sigmund Freud lui avait fait rédiger un faux certificat médical, attestant qu'il suivait un traitement pour se soigner, au cas où Zweig serait pris en flagrant délit par la police. Aïe, aïe, aïe. Si le numéro 2 du mode avec connu Freud, s'en sortait tranquille. Il serait toujours là. Oui. Culture encore, samedi soir, Michel Polnareff était en concert à la fête de l'Humain. Oui, Polnareff, qui on le rappelle, s'est exilé aux États-Unis pour échapper au fisc. Christine Boutin sera la prochaine Gay Pride, allez-y. Sport. Oui, incroyable exploit aux Jeux Paralympiques. La Belge Marieke Verwoerd, touchée par une maladie neurodégénérative, avancée à remporter de l'argent en 400 mètres en fauteuil. Voilà. Oui, et elle la voulait cette médaille alors qu'elle a déjà pris la décision de mettre fin à ses souffrances après les Jeux, l'euthanasie étant, je le rappelle, autorisée en Belgique. Voilà, ça c'est la solution pour les tennisman français. Il faut leur dire que c'est leur dernière coupelle et les gars ils vont se donner. Voilà. Passons à l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendu ailleurs. Alors Alex, vous interviewez le Dalai Lama. Oui, bonjour Dalai et bienvenue. Non, non, non, il ne veut pas vous parler. Mais monsieur Hollande, mais qu'est-ce que vous foutez là? Non, il n'y a pas de mais, son attaché de presse a dit non. Mais c'est qui son attaché de presse? C'est l'ambassadeur de Chine, je m'entends très bien avec lui, merci beaucoup. Désolé, Charline, bon, on va passer au bref tout de suite. Interview est courte. États-Unis, il braque une banque pour aller en prison et échapper ainsi à sa femme. C'est ça, Nicolas Sarkozy, ça fait 10 ans qu'il essaye d'échapper à Carla Bruni. Enfin, Vietnam, un homme accusé d'avoir sectionné le pénis de l'amant de sa femme. Mais oui, il avait surpris sa femme sur le fait et énervé, paf, il a coupé le sexe de son rival. C'est sûr que l'amant, cette fois, il va pouvoir se la mettre derrière l'oreille. Voilà, on termine là-dessus. Blague à base de visuel, hein, essentiellement sur la fin, Myriam Boyer. À base de couple en souffrance, et ça nous ramène au chat. Ça nous ramène au chat, bien sûr. Finalement, on se rend compte que tu es le chat. On n'en est pas là. Hein. Non, il ne veut pas l'avoir. Myriam Boyer qui est avec nous. On va revenir à la pièce Le Chat tout à l'heure en parlant théâtre. Mais d'abord, premier sujet plutôt politique. Pierre Laurent, le leader du Parti communiste, pense qu'il n'est pas trop tard pour rassembler la gauche de la gauche. Il est bien le seul de cet avis. Bon, après, il est communiste, hein, il a toujours été un petit peu différent. Hein. On ne choisit pas son enfance, on m'a pas laissé être droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions. réunion de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On a été en URSS l'hiver. Les pays de l'Est, c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments. Les nuances de gris, ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moi 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. Les fatales Picards. Myriam Boyer, est-ce que vous vous reconnaissez un tout petit peu dans cette chanson? Mon père était tellement de gauche, on était tellement de gauche dans l'enfance, etc. C'était pas vraiment politique hein, chez moi. C'était, non, c'était... C'est pas la gauche non politique. C'était rien, parce qu'il n'y avait rien. Donc il y avait même pas, justement, je dis, il y a même pas d'espoir. C'est pas comme dans un milieu prolétaire ou ouvrier ou non, c'est pire que ça. Mm-hmm. Donc quand vous êtes complètement en dehors, il y avait vraiment rien. Donc c'est en grandissant où j'ai évidemment voulu la justice, développer cette conscience. Voilà, ouais. C'est plutôt moi en grandissant et surtout en rentrant dans le métier. Dès que j'étais dans les théâtres comme le TNP, etc. C'était très engagé à l'époque le théâtre. Oui. Plus que maintenant. Ah oui, ouais. Ah oui, énormément, ouais. Oui. Alors, tous les candidats à la gauche de la gauche se définissent beaucoup en ce moment par opposition à François Hollande et à une gauche qui a renié ses valeurs, dirait Christiane Taubira. Vous, Myriam Boyer, vous n'avez jamais été séduite par la gauche socialiste? C'était plutôt la gauche de la gauche, votre éveil, votre conscience politique? Ah ben, moi j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, l'époque Mitterrand, on savait qu'il n'était pas de gauche, mais on était très très très content en 81. En mai 81, on a voté Mitterrand. Pareil, Hollande, on savait qu'il n'était pas de gauche, mais on a voté Hollande. Et puis, c'est évidemment, quand on tombe de haut, je ne comprends pas tellement la trahison, parce qu'il n'y a pas de trahison. On savait que de toute façon, c'est pas des gens qui font une vraie politique de gauche. Mais est-ce que c'est possible de faire une politique de gauche? Alors, évidemment, on se dit à chaque fois, c'est peut-être mieux. En tous les cas, je les préfère à beaucoup d'autres. Mmh. Il y a le discours du Bourget quand même. Quand on parle de trahison, il y a le discours du Bourget qui a fait beaucoup de mal. Oui, mais et Mitterrand aussi. Mais oui, ils ont fait. Mais oui, c'est des discours, c'est des discours. Mmh. Mais eux-mêmes, pour quelqu'un de vraiment de gauche, vous pensez pas une seconde qu'ils vont vraiment faire une politique à la Mélenchon ou à la Marchais. Est-ce que ça, c'est pas dommage du coup? C'est-à-dire, on espère à chaque fois. On a toujours un espoir. Et puis, il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le perdre. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour. Mais c'est vrai que c'est constitutif de cette gauche alternative aussi. C'est toujours aussi avoir cette forme d'espoir qui peut être un moteur. C'est pas. Mais oui. C'est pas neuneux. C'est pas oui. C'est juste. Non, et puis, je pense que des gens comme Mitterrand ou Hollande, c'est bien qu'ils aient aussi une gauche qui les pousse quand même. Parce que qu'est-ce que ça donnerait autrement? Et donc, le leader du Parti communiste, Pierre Laurent, n'est pas candidat, lui, mais en voulant rassembler tout le monde, il apparaît comme le plus responsable. Alors finalement, on se demande, est-ce que c'est pas dommage qu'il se présente pas? Oui, on va chercher le charisme, là. Oui, ça serait. Excusez-moi. Il en est conscient. Il en est sans doute conscient. On le salue. Myriam Boyer est avec nous pour parler théâtre, on a parlé politique, mais il s'agit aussi de musique dans cette émission. Oh, oui. Mélanie. J'étais dans la gauche de la gauche, j'étais trop bien. Alors Mélanie Beau, restons-y avec de la musique. Alors, c'était partout dans la presse ce week-end, sur tous les réseaux sociaux, avec des rip. Maintenant, quand les gens meurent, on voit du rip à toutes les sauces. Rest in peace. Le roi du ska jamaïcain Prince Buster est décédé le 8 septembre, il y a 4 jours, à 78 ans, à Miami. On n'a pas les mêmes amis Facebook que moi, je n'ai plus passé, mais alors rien. Autour de cette table, personne n'a vu de rip, apparemment. C'est horrible. Et je commence par vous poser la question. Quel genre musical apparaît en premier, le ska ou le reggae? Le reggae. Je vais dire le ska alors du coup. Et voilà, c'est l'ancêtre du reggae, le ska. Oui, Charline, merci. Si, heureusement que vous êtes là. Le ska, bien sûr, fin des années 50, influencé par le rock des soldats américains, basé à Kingston durant la Seconde Guerre mondiale, puis diffusé partout dans l'île, notamment grâce à un homme d'affaires redoutable, un Anglais, Chris Blackwell, qui fondera plus tard Island Records et présentera au monde un certain Bob Marley. Ah, aujourd'hui... Ah oui, donc c'est les bienfaits de la colonisation. Oopsie daisy. Non, alors c'est plus compliqué que ça avec Chris Blackwell parce qu'il a grandi en Jamaïque et notamment, si vous voulez la petite histoire, sa mère était la maîtresse de Ian Fleming. Et aujourd'hui, Chris Blackwell, il a un hôtel, si vous avez de l'argent, allez-y, il a un hôtel qui est sur la plage où sa mère se baignait quand elle était avec Ian Fleming. Il y a d'ailleurs sa maison, le créateur de James Bond. Voilà. Le fameux Ian Fleming. Mais revenons au ska. Oui, revenez au ska. Revenons au ska avec Prince Buster, qui n'est pas prince, mais qui est roi du ska, chef de gang, boxeur, influence majeure de la musique actuelle. Je le prouve, son premier titre est un tube, un classique, Oh Carolina. C'était une reprise des Fox Brothers que Shaggy, Mr. Lover, oui. Lover, avait repris lui aussi en 1993, un morceau que vous connaissez forcément. Effectivement, Prince Buster, c'est le roi du ska car il est premier Jamaïcain à entrer dans le top 20 en Angleterre avec le titre Al Capone. Il défend aussi ses racines africaines en pleine explosion des manifestations pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Il se convertit à l'islam, change de nom en Mohamed Youssef Ali après sa rencontre avec un autre boxeur, Mohamed Ali. Il est aussi un homme d'affaires redoutable, une sorte de Al Capone. Ça va vous parler, ça aussi. Al Capone, guns don't argue. Ça vous dit quelque chose, hein? Le disque est rayé un peu. Je suis très mauvais. Oui, ce morceau, vous le connaissez car Prince Buster a aussi inventé Madness. Il est un des premiers artistes jamaïcains à tourner en Angleterre. Je vous disais, il était dans le top 20 avec ce morceau. Il marque les jeunes mods, les Redskins, les skinheads de gauche, de la gauche. Et notamment ce jeune groupe qui deviendra star fin des années 70, Madness, en utilisant le titre d'une des chansons de Prince Buster. Et leur morceau le plus connu, One Step Beyond, s'adresse directement à Prince Buster et en lui disant « Listen Buster, you better start to move your feet to the red rock steady beat of Madness. » Ça vous dit quelque chose quand même? Ça veut dire que tu dois avancer vers... Tu ferais mieux de commencer à bouger tes pieds sur le rock steady, sur le beat rock steady de Madness. C'est un grand classique. Le rock steady, c'est la musique qui succède au ska avant le reggae. Enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. Mais non, c'est la charnière, vous voulez dire. Oui. Entre les deux. Ah, exactement. Ben, ouais, Madness, One Step Beyond. Ouais. Voilà. You. Hey, you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. One step beyond. We'll be right back. Madness, One Step Beyond. Oui. Pour clore la chronique de... Rappelez-moi votre prénom. Mélanie Boël. C'est cela, oui. Mélanie Boël. Le scan de Prince Buster, vous pouvez réécouter sur franceinter.fr, évidemment. Merci, Mélanie. Il est 17h36, vous êtes sur France Inter. Et demain, à 21h, et tous les jours de la semaine, vous pouvez aller voir Le Chat, avec Myriam Boyer, qui est notre invitée, avec Jean Benguigui, c'est au Théâtre de l'Atelier, le dimanche à 15h. Et puis, vous allez repartir en tournée. Donc, En septembre, l'année prochaine. Et voilà. Donc, voilà. Dans le reste de la France, n'hésitez pas à aller voir Le Chat. Allez-y en couple. À mon côté, Myriam Boyer, il y a Guillaume Meurice qui aujourd'hui inaugure une chronique en Facebook Live. Si j'ai bien compris, on devient très très moderne. On est 2.0 complètement. Donc, vous pouvez voir cette magnifique chemise à carreaux en plus du propos. Tout à fait, pertinent. À carreaux aussi. Et ben, je me suis rendu hier moi à la fête de l'UMA, grand rendez-vous de la lutte sociale et syndicale. Il pleuvait pas. Il pleuvait pas, c'est à signaler. Cette année, l'invité vedette était le poète révolutionnaire Michel Polnareff. C'est pour vous dire, c'est le pouvoir bourgeois à flipper sa race cette année. La seule subversion de Polnareff, c'est d'avoir montré son cul sur une affiche. D'ailleurs, Laurent Wauquiez a fait la même chose pour sa campagne électorale, hein, souvenez-vous. Ah, non, on me signale que non. C'était son programme, c'était pas son cul. Pardon, parce que des fois, on peut confondre les deux, c'est pour ça. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est simple. Parce qu'à la fête de l'UMA, il y avait, pour la première fois, un stand entièrement consacré à la cause naturiste. Et oui, donc il faut vous imaginer, dans votre tête, entre trois merguez et un poster de Mélenchon, une vingtaine de personnes complètement à poil. Voilà, je vous laisse le temps un petit peu de faire l'image dans votre tête. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Ne comptez pas sur moi pour l'analogie avec la merguez. Hein. On a du retard d'audience sur les grosses têtes, mais on n'en est pas là encore. Je suis allé voir la responsable. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à la fête de l'UMA? Ce qu'on fait ici, déjà, il faut regarder l'affiche. Ouais. Et en regardant l'affiche, on s'aperçoit que sur le bas de l'affiche, il y a le corps d'une femme et d'un homme nus de dos. Vous avez dit, c'est une invitation, quoi, pour venir et se mettre tout nu. Ah ben, tout à fait. On s'est dit, ça, c'est un message, c'est pour nous. Bien, bien, bien, bien. Alors, si les organisateurs de la fête de l'UMA nous écoutent, je tiens juste à leur dire, faites gaffe à l'affiche l'année prochaine. Il y a des gens qui sont extrêmement premier degré. Hein, si vous mettez une image de mec en chemise des années 60, Visorek, il fait un stand. Hein, donc, faites attention à ça. Alors, en attendant, qui dit naturiste dit également voyeur. Hein, les petits malins qui matent. Il y en avait notamment un petit papy avec sa bière à la main, hein, qui se rinçait la glotte en même temps qu'il se rinçait l'œil. Un petit papy multirécidiviste. En 72, j'étais sur une plage de nudistes. Mais bon, j'ai pas. Je me suis pas mis nul, quoi. Hein. Mais ça me choque pas. Bon. Ah, mais peut-être les autres étaient choqués par vous, alors du coup. Certainement. Certainement, oui. Mais on était quand même pas. On est quand même en retrait, quoi. D'accord. On était en retrait. Eh oui, c'est le principe du voyeurisme. Hein, en retrait, avec des jumelles et du sopalin. Hein, on connaît le principe du voyeurisme. Alors, il y avait d'autres curieux tout autour du stand. Hein, certains à qui la vision de ces paires de fesses inspirait quelques métaphores. Écoutez, j'ai l'impression d'être dans le plus grand garage Vélib de toute l'île de France. Voilà. Comme on a quand même pas mal de retard sur les grosses têtes, je me suis dit que j'allais la garder, celle-là. Mais bon, il y avait surtout... Il y avait surtout des gens qui sautaient le pas, qui osaient se mettre nus pour la première fois. Alors, premières impressions. Il y a un petit vent frais qui te donne un peu des frissons quand même. Ouais. Mais j'ai gardé les chaussettes pour l'hygiène. Ah. J'ai appris qu'ils n'avaient pas nettoyé le sol de tout le week-end, donc je préfère garder les chaussettes à ses rapports aux champignons. Voilà. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment du naturisme, ça, avec des chaussettes? C'est pas complètement du naturisme, mais je découvre, j'y vais progressivement. Je finirai par les chaussettes. Voilà, chacun son rythme hein, dans le naturisme. Si vous êtes pudique des pieds, gardez vos chaussettes dans un premier temps. Il y a plusieurs degrés hein, dans la nudité. Le premier degré, c'est le burkini, et puis après, c'est progressif, bien sûr, jusqu'à être naturiste, et même, je dirais, au-delà. J'ai même inventé un concept, je suis nudien, c'est-à-dire nudiste quotidien. Voilà, c'est-à-dire que moi je m'inscris pas tellement dans les centres, que je trouve un peu dommage parce que c'est très communautariste, très ghetto. J'aime mieux essayer de vivre mon naturisme ou mon nudisme au quotidien. Ah oui. Voilà, exactement, dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que j'ai même fait une maison à l'envers. C'est-à-dire qu'on rentre par la chambre, comme ça on se déshabille, et ensuite on va dans le salon, salle à manger, cuisine. Et je me rhabille comme ça au dernier moment pour pouvoir sortir dans la rue. Donc vous voyez, on peut faire mieux en termes de nudité, notamment ce monsieur. Alors là, c'est le niveau maximal hein, de la nudité, du naturisme. Sauf s'il montre des vidéos de ses coloscopies à ses invités. Mais sinon, je vois pas comment on peut aller au-dessus du truc. Alors à noter que ce brave homme était extrêmement poilu, hein, sauf précisément... au niveau de ses parties génitales. Pourquoi? Hein, vous connaissez mon goût pour l'investigation, donc je lui ai posé la question. En fait, c'est une question bien plus compliquée qu'on imagine. Mais en fait, être nu n'empêche pas d'être coquet. Ah. C'est une coquetterie. C'est une coquetterie, il faut l'avouer. Vous aimez les poils partout ailleurs, mais pas sur les testicules. Ah si, mais je les garde précieusement, mais je les veux pas trop longs. Pas trop longs, d'accord. Pas trop longs, voilà, c'est une question de centimètres. Voilà, oui, on voit où tu veux en venir, d'accord. Calmez-vous, parce qu'on va finir par dépasser les grosses têtes, hein, si on continue comme ça. Mais bon, non, rassurez-vous, on est bien sur France Inter, donc j'ai quand même tenu à poser une dernière question politique à un autre jeune homme. Est-ce que c'est pas finalement une allégorie du communisme ? Pas du tout. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, on se retrouve tous à poil. Dès qu'on est dans un endroit chouette, on se met à poil. Et non, communisme ou pas... Dès que l'endroit vous plaît, vous vous mettez à poil. On sent mieux, on sent vraiment mieux. Mais oui, mais finalement, pourquoi pas, j'ai envie de dire. On vit dans une société qui instrumentalise le corps en permanence pour vendre des bagnoles ou du PQ, des programmes politiques ou des fantasmes religieux. Alors moi, je dis, quitte à vivre dans un monde de faux culs, autant en voir des vrais. Guillaume Meurice à la fête des Lumas. Merci. Merci, Guillaume. À votre service. Vous avez fait un tour à la fête des Lumas cette année, Myriam Moyer ? Non, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée. Mais c'est vrai que j'aimais bien quand j'étais gamine. Ouais. Maintenant, vous avez la chance de voir des gens nus. C'est vrai que ça n'existe ça pas. Ça n'existe pas. Ouais. Allez, nous sommes sur France Inter, oui, nous parlons théâtre. Oui. Car le théâtre résiste, nous annonce le JDD paru hier. La fréquentation des salles a légèrement augmenté au premier semestre et la rentrée est foisonnante avec aussi des poids lourds du ciné à l'affiche. Le théâtre travaille sans cesse sa rencontre avec le public. C'est très intéressant ce que tu fais, hein. J'aime beaucoup cette oppression thoracique avec laquelle tu contiens ton texte. Par contre, il y a une chose, Chrysettine, ne me refais plus jamais ça ou alors je donne ma démission. Ça, j'ai fait. Tu as regardé Jean Calin ? Tu lui parles, ton texte s'adresse à lui et tu le regardes, c'est absurde. C'est vrai, c'est surréaliste. T'as pas besoin de le regarder, Chrysettine, hein ? On n'est pas au boulevard. Attention, j'adore, hein, le boulevard, j'adore. Mais en l'occurrence, on est au théâtre. Alors je voudrais, Chrysettine, que tu gardes ton regard pour vectorier ton texte vers l'autre qui est là, qui est assis et qui t'écoute. Vers le public, tu veux que je regarde le public ? Aïe, oui, aïe, aïe, aïe, j'aime pas ce mot. Je le trouve un petit peu réducteur. Hein. Je préfère qu'on parle d'ensemble de pensées réunies devant une scène de théâtre. Les remparts des bois. Voilà, Myriam Boyer, donc, la fréquentation des salles de théâtre a augmenté de 3%. C'est bizarre de parler chiffres comme ça pour parler d'art théâtral, mais bon, c'est comme ça, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, les théâtres parisiens associés annoncent cette légère hausse de fréquentation, alors qu'on craignait que le public soit un peu craintif de sortir. Ces derniers mois, il y a de quoi être agréablement surpris ou... Je crois que vraiment les théâtres ont fait ce qu'il fallait pour la sécurité, et ça, les gens sont quand même, font attention, et je pense que c'est quelque chose de très très très important. Et on se sent d'ailleurs en sécurité quand maintenant on va au théâtre. Au-delà de la sécurité, est-ce qu'il n'y a pas presque un acte militant de dire eh ben, je m'en fiche, je sors ? Il y en a sûrement, mais je ne pense pas que c'est la majorité. Je pense qu'il y a quand même la sécurité qui compte. Mmh. Il n'y a vraiment rien à la télé quand même. Hein. Aussi, il faut le dire. et concrètement, comment se passent les mesures ? Vous dites vraiment les mesures de sécurité rassurent les gens, donc finalement les gens continuent à aller au théâtre sans problème. Vous ne pouvez pas rentrer dans un théâtre comme dans un moulin. C'est vrai qu'on ouvre son sac, puis c'est des petites entrées, et ça donne même quelque chose. Moi, je trouve que ça redonne aussi une valeur au théâtre. On est ensemble, on est dans un. J'aime bien le spectacle vivant. Qu'est-ce que c'est beau comme titre, comme mot, et ça redonne justement le sens. On est tous ensemble en train de regarder quelque chose qui se passe devant nous. Je crois que c'est et nous avec eux. C'est nous dans le sens aussi. Au tout à l'écran, parce qu'aujourd'hui on est toujours sur sa tablette, son téléphone, cette idée de vraiment prendre le temps de s'asseoir, de l'éteindre, c'est toujours un acte fort. Et sans écran, même pas au cinéma. Ouais. Oui, mais je crois que ça joue beaucoup. Hein. Mmh. On est tellement tous dans notre petit coin avec les iPhones, les trucs. Donc c'est une démarche, on en a besoin. Et c'est bien. On a cru, hein, au moment du cinéma, que le théâtre était terminé, après la télévision terminée, après Internet terminé. Je crois que ça, non. C'est peut-être le cinéma qui souffrira le plus de l'arrivée des écrans ou de la disponibilité des films partout, et que le théâtre va justement être cette contre-offre. Je pense qu'on a encore plus envie. Ouais. Et puis il y a aussi, le JDD le souligne, le succès des pièces courtes à 19h Et là, c'est un peu comme en télévision. On peut dire que c'est une forme d'access prime time du théâtre, mais ça fonctionne. Je ne sais pas de quoi il parle d'ailleurs. Quand la double programmation. Voilà. Non, mais c'est pas des pièces courtes, c'est des pièces normales. Elles sont normales. Elles font pas plus de 2 heures d'office parce qu'il y a de toute façon. Oui, et c'est devenu une programmation en plus, mais c'est pas des pièces courtes. Hein. C'est des spectacles à part entière. Bon, écoute, on va appeler le JDD. C'est vrai. Bernard Murat, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un court métrage devant un long. Autour de cette table avec vous, Myriam Boyer, c'est aussi une autre comédienne qui nous parle littérature. Oui, alors voilà, alors étant donné que notre invitée du jour est Myriam Boyer, je m'ai dit... Non, c'est pas vrai. Que s'est dit Juliette Arnaud? Allez, allez. Je me suis dit donc, que Myriam venait pour Le Chat, qui est une pièce de théâtre inspirée d'un roman donc, de Georges Simenon, auteur belge. Je me suis dit, je vais vous parler de La Chatte, roman de Colette, auteure française. Eh oui. Hein? Alors, pourquoi aurais-je préféré La Chatte à Le Chat? Pourquoi? Alors, j'aurais pu me lancer dans une diatribe ô combien vaine et ô combien périlleuse dans ce studio, consistant à prouver la supériorité des femmes et des Français sur les hommes et les Belges. J'aurais pu, mais c'eût été complètement couillon, voire foufou, vu que Le Chat et La Chatte traitent, somme toute, du même sujet, à savoir, de point ouvrir les guillemets, ralala, ce que c'est difficile, la conjugalité. Difficile relevant de l'euphémisme, on peut le remplacer par pénible, chiant, éprouvant, sordide, ad libitum. Avec, au milieu du couple, un animal, un chat donc, en pleine tradition littéraire du petit chat qui est mort. Dans Le Chat de Simenon, le chat, il est mort, hein, empoisonné par la femme et par jalousie. Dans La Chatte de Colette, 1933, le suspense, c'est la chatte va-t-elle, oui ou non, sucrer les fraises de la main de la jeune épouse éperdue de jalousie. Le bonheur, à deux, dure jusqu'au temps de compter jusqu'à 3, disait Sacha Guitry. Sauf que là, l'animal chéri par le mari, le chat ou la chatte selon l'auteur, c'est donc cet animal qui incarne le 3e. Alors dit comme ça, vous vous dites, le chat, la chatte, peu importe finalement, elle est gay comme un pinceau la mère Arnaud avec ses romans qui vont nous péter ce qui nous reste de morale. Faux. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais ce sont deux romans d'amour. Alors certes, dans La Chatte de Colette, le vrai, le pur amour se joue entre le jeune marié et, et sa chatte. Je suis d'un calme souverain. Entre le jeune marié et sa chatte. Écoutez-le, ce jeune marié, parler de sa chatte. Non, bah, faut m'aider par contre, Myriam. Donc, il a acheté quand il était adolescent. Il dit d'elle, ce n'était pas seulement une petite chatte que j'apportais, c'était la noblesse féline. Ne riez pas. Son désintéressement sans borne, son savoir-vivre, ses affinités avec l'élite humaine, avant de t'avoir choisi, ça, je n'aurais peut-être jamais su qu'on peut choisir. Si ça, c'est pas une déclaration d'amour, surtout en comparaison avec ce que lui assène sa mère au jeune marié, lorsqu'il vient se plaindre de son mariage trop neuf, elle lui dit, entre les jeunes mariés, ça va trop bien ou ça va trop mal, et je sais pas lequel vaut le mieux. Toujours pour les gens qui ont des problèmes de couple. Je sens la souffrance. Quant au chat de Simenon, où il est question d'un vieux couple qui ne trouve finalement son énergie qu'en se déchirant, les apparences sont trompeuses, comme souvent, comme toujours. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Georges Simenon lui-même, en 1967, quand il raconte ce que c'est pour lui le chat. Eh bien, oui, si vous voulez, mais ce n'est pas très drôle. Ce sont deux vieillards, très vieux, un couple, qui ont d'ailleurs été tous les deux mariés avant, tous les deux veufs, et qui vivent dans une petite maison ici dans Paris, et qui se haïssent, à la suite d'ailleurs de la mort d'un chat. Ça semble finir mal, mais malgré toute cette charge de haine, je crois en fin de compte avoir écrit un roman d'amour. Il est fort, ce genre. On ne se moque pas du léger accent liégeois. Qui est tout à fait charmant. Oui. Alors, la question qui me vient là tout de suite, c'est est-ce que les plus grands misanthropes, ce qui est le cas de Georges Simenon, est-ce qu'ils sont des auteurs crédibles d'histoires d'amour? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Moi, je vais me fier à Molière, vous savez, le gars du petit chat qui est mort. Comme ça, on reste dans le thème de l'animal qui crève. La seule pièce de Molière avec à l'intérieur une vraie histoire d'amour, qui finit mal, mais bon, ça finit toujours mal en général, c'est Le Misanthrope. Vous voyez un peu le... Vous voyez là où... Ah, voilà. Si mon argument vous paraît insuffisant, voyez par vous-même, lisez ou relisez Le Chat de Simenon, où est la chatte de Colette. En livre de poche. Merci Juliette Arnaud, vous avez une responsabilité parce que si les jeunes écrivent ça au bac, il faut effectivement qu'ils vérifient. Merci Juliette. Allez, l'injure est un objet d'étude sociologique et philosophique. Car l'injure exerce un pouvoir, elle a des codes et elle dit beaucoup de choses de nous, paraît-il. Elle dit beaucoup de ces deux-là aussi. Ah, alors voilà, le typographe à la retraite qui se prend pour Zola. La nare petit bourgeois qui n'aime plus que son gros minou. Miaou, miaou, miaou. Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir. Je plus tous les jours. Vieille vache. Vieille vache. Le chat. Le film. Eh oui, on reconnaît. Voilà, le sujet est paru dans Sud-Ouest ce week-end, inspiré d'un livre qui s'appelle « Injuriez-vous, du bon usage de l'insulte » par une sociologue et philosophe qui s'appelle Julienne Flory. Outre cette joute verbale dans le film, hein, « Vieille vache », etc., finalement, l'injure dans le texte, elle n'est pas si présente que ça, non, dans le chat. Non, c'est pire. Oui, c'est pire. Parce il y a pire fait, que l'injure, donc. Oui, c'est pire. Ils se reprochent des trucs épouvantables. Ils ont vraiment... quand vous êtes dans la haine comme ça, il y a une liberté de langage, de ce que vous ressentez, qui est peut-être encore pire. La façon dont ils se parlent, quand elle lui dit... qui demande... C'est affreux. C'est en plus les femmes dans les années 50, elle va même jusqu'à dire « Je me suis jamais dérobée au devoir conjugal. Je sais que ça fait partie des choses que nous avons à subir, nous les femmes. » Pour vous dire que ça va très très loin. Mais toi, tu exagères, elle lui dit. Et elle lui dit en plus qu'il a... Et peut-être il n'y arrive plus. Hein. Elle lui fait... Non, ça va très très loin. On parle d'une manière. Et lui, il parle à un moment en disant qu'ils ont fait l'amour une fois, que ça a duré une minute, qu'elle était très raide. Et au niveau de tout ça, même dans l'amour charnel, c'est très très loin. Moi, je préférerais qu'on se dise vieille vache, etc. C'est encore plus... ça va encore plus mal. Plus je pense qu'il y a des choses qui peuvent faire encore plus mal. Et même dans le silence. Je sais ce que j'allais dire. Oui. Il y a une scène complète où on sent qu'ils s'insultent du regard. Ils se disent rien, c'est même pire que se dire quelque chose. Il n'y a même pas la créativité de trouver une insulte fleurie. Oui. Ce serait presque... ça ferait du bien. Exactement. Oui, c'est d'ailleurs un débat qu'ouvre cette philosophe en disant finalement, est-ce qu'on ne devrait pas renouveler les injures, parce que c'est toujours les mêmes. Myriam Boyer, quand vous êtes très très énervée, vous arrive de jurer ou de faire une injure contre quelqu'un, pas forcément contre vous-même. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, ou même autour de cette table, chacun a une injure qui soit un petit peu... vous traitez de... C'est grosse nouille. Grosse nouille, c'est gentil. C'est gentil. Fils de personne. Fils de personne. Fils de personne. Oui, c'est pas mal. Myriam Boyer, l'injure, ça ne fait pas partie de votre réflexe de défense si, ou d'argumentation. Si, mais c'est à longueur de temps. Moi, c'est putain, donc c'est pas bien. C'est carrément, c'est grossier, mal élevé. Mais c'est un mais travail, finalement. Il sort régulièrement. Donc, bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et c'est pas dans ce que ça raconte, d'ailleurs. La preuve, c'est que c'est pas une grossièreté que de dire putain. Mais quand on dit putain, ça fait du bien. Vous l'avez dit 4 fois, c'est bon. Putain, ça va bien. Et on apprend par exemple au départ dans cet article de Sud-Ouest que connasse signifiait au départ une prostituée inexperte. Oui, donc on peut élever l'injure. On peut y aller. Évidemment. Et puis, donc on a demandé aussi à cette sociologue, tiens, quelle est votre injure préférée? Et c'est une injure qui accourt apparemment dans les rangs, les bancs de sciences politiques où on se traite de fils de Pétain. Oui. Oh là là. Ouh là là là là. Alors ça, oui, mais fils de pute, hein. C'est une manière. Ça marche aussi. C'est comme on fait zut. Hein. Voilà. Au Jeunesse Front National, c'est un compliment. On retient la leçon c'est joli. En même de temps. La pièce et l'adaptation de Simenon, qu'il y a pire que l'injure. Voilà, il y a le silence et le mépris du regard qui peuvent être tout à fait pires. C'est étonnant, on a vraiment traité le sujet. Trois. D'habitude, on. Voilà. Et puis là, on est désolé. Là, on a bien traité le sujet, je suis très très inquiète. On est sur une mauvaise. Pente, là, je peux vous dire. Ah, c'est bon, je vais s'en ressaisir demain avec un sujet sur l'épée ou quelque chose. J'ai fait le naturisme. C'est vrai. On a une proposition à vous faire, Myriam Boyer. Et oui, en fin d'émission, on propose toujours un sketch à l'invité qui découvre le texte. Eh, ouais. Alors, prenez le temps de chercher vos lunettes. Sur les lunettes. Et évidemment, le temps que je vous explique le thème. Putain, elle a pas ses lunettes. Car Hillary Clinton va pas bien en ce moment. Hillary Clinton, et elle a dit qu'elle avait une pneumonie. Alors, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais évidemment, on y était. Guillaume Meurice est le médecin. Vous êtes Hillary Clinton. Oh, j'adore. Et je suis Bill. Là, je suis beau rôle. Vous êtes contente du rôle? Oui, je suis. Bonjour, Madame Clinton. Bonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Clinton. Bonjour, docteur. Monsieur Clinton, vous revenez pour vos problèmes de priapisme, n'est-ce pas? Non, ça va beaucoup mieux, c'est pour ma femme. Ah, ok. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène, Madame Clinton? Je suis malade. Très, très malade. Oh, et Monsieur Trump, il est en forme, lui? Ah, bah oui, avec la femme qu'il a, moi aussi, je suis en forme. Oh. Bill. Pardon. Chouchou, reste calme, monsieur va te soigner. Ah, ce que vous avez est très grave, hein, Madame Clinton. L'important, c'est pas que j'ai... Mais c'est ce que vous voulez dire aux Américains que j'ai. Oui, il faut quelque chose de léger, docteur. Ouais, on peut dire plutôt la ménopause, alors. Non, les Américains sont crédules, mais il y a des limites. Ah. Il faut qu'ils aient envie de voter pour moi. Ah, okay. Alors, on va dire quelque... Cancer de la prostate, ça vous va ou pas? Mais non, mais il est con. Ah oui, pardon, du coup... Pourquoi vous proposez ça? Non, parce que je pensais aux Français qui ont élu un président qui avait un cancer de la prostate. Bon, trouvez-moi quelque chose de simple. Oui, ok, une entorse. Parfait, une entorse, c'est bien ça. C'est bien. Pardon, je sais pas, mais tiens, mais on tousse quand on a une entorse. Ah non, ok, non. Bonne réflexion. Okay. Écoutez, faites-moi un certificat avec écrit pneumonie. Quoi? Hillary a raison, pneumonie c'est bien. Moi j'ai une stagiaire, elle avait des problèmes de poumons. Ils étaient trop gros. Alors régulièrement je devais faire des massages. Pardon, chouchou. Bon, on est d'accord, vous écrivez pneumonie sur le certificat. Ok, mais juste comment vous écrivez pneumonie? Je rêve, vous ne savez pas ce que c'est une pneumonie? Rappelez-moi votre nom. Oui, je suis docteur Delajoux, madame. Alors, rappelons que le docteur Delajoux était... J'ai pas pris l'accent parce que je suis nulle. Vous avez bien raison. De ne pas avoir très très bien managé l'opération de Johnny Hallyday. Voilà. Mais vous étiez formidable, Hillary Clinton. Oui, mais oui, ce côté comédie. J'ai déjà la perruque. Oui, c'est bon. Là, il y a des gens qui nous écoutent. On va monter le biopic. Voilà, si jamais des réalisateurs nous entendent, en tout cas, Myriam Boyer, Hillary Clinton, chiche, elle kiffe. Allez. Merci Myriam Boyer d'avoir passé ce moment avec nous. Ah, c'était, c'était un plaisir. Je rappelle qu'on peut vous voir dans la pièce Le Chat avec Jean Benguigui. C'est au Théâtre de l'Atelier du mardi au dimanche à 21h. Et le dimanche, on peut vous voir aussi à 15h. Voilà, l'adaptation bien sûr du roman de Georges Simenon, mise en scène de Didier Long. Que tous les élèves comédiens aillent voir ce que c'est de grands comédiens sur scène. Voilà. Ça vous changera de Francis Huster. Voilà. J'ai rien dit. Merci à tous autour de cette table. Merci Mélanie Bauer, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. Merci encore Myriam Boyer. On se retrouve bien sûr demain. Allez. Et on laisse le mot de la fin au théâtre politique. Et puisqu'on me demande mes dernières volontés, je l'affirme bien haut. Je joue mal. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez anticiper les démarches liées à votre déménagement. Vous pouvez par exemple souscrire votre contrat d'électricité à tout moment jusqu'à 2 mois à l'avance sur le site edf.fr. Et maintenant, c'est même possible sur votre mobile. Simplifier votre déménagement, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos services sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Comme tous les matins, j'étais sur le trajet du taf. Comme tous les matins, je marchais la tête un peu dans le sac, les yeux rivés sur mon portable. Ce matin-là, j'ai pas fait gaffe en traversant le boulevard. Et je me suis fait faucher par une voiture. Aujourd'hui, mon seul trajet, c'est entre mon lit et ma salle de bain. Mon frère veut tout arrêter pour s'occuper de moi. Mais cet accident, c'est le mien. Je le laisserai pas foutre sa vie en l'air. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Radio France, partenaire des Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre. Le ministère de la Culture et de la Communication vous invite à la 33e édition des Journées européennes du patrimoine sous le thème « Patrimoine et citoyenneté ». En France, plus de 17 000 monuments vous ouvrent leurs portes les 17 et 18 septembre. À cette occasion, venez découvrir ou redécouvrir la Maison de la Radio à Paris. Concerts gratuits, jeux de piste, visites guidées, pause vinyle, cinéma sonore. Bonne visite citoyenne! Renseignements sur maisondelaradio.fr. Le 15 septembre, auditorium de la Maison de la Radio. Jean-Yves Thibaudet joue le 5e concerto pour piano de Saint-Saëns avec l'Orchestre National de France, dirigé par Stéphane Deneuve. Le 15 septembre à 20h, soirée d'ouverture à l'auditorium de la Maison de la Radio. Réservation maisondelaradio.fr. Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir Charline Vanhoenacker et bonsoir à tous. Bienvenue dans le 18-20 de France Inter. Le programme de ce lundi soir, 18h15. Souvenez-vous de son élection à la mairie de Madrid, Manuela Carmena. Elle avait notamment été portée par les indignés de la Puerta del Sol, par Podemos, mais pas seulement. Elle est l'invitée tout à l'heure d'Un jour dans le monde. À 19h20, le téléphone sonne ce soir sur le suicide. Avant-hier se tenait la journée mondiale de prévention du suicide. On va réfléchir à ce phénomène d'ampleur en France. Vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé Telson. Voilà donc pour le menu, le journal tout de suite, Florence Paracuelos. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, une campagne qui déraille.